Bonjour, ravi de vous retrouver pour parler une nouvelle fois de cinéma. Je suis toujours bien accompagné avec Aurore. Bonjour. Comment vas-tu en cette nouvelle bien année? Bien, toi? Ça va très bien. Bah oui, c'est vrai bien. Que c'est la nouvelle année. Et ouais. Oui, hein, 2025, on est encore en janvier, donc meilleurs vœux, on peut encore le souhaiter. Ouais, hein. Ouais, c'est ça. On est jusqu'au 31. En tout cas, voilà, on est ravi de vous retrouver pour parler de nouveau cinéma. Voilà, on espère que cette nouvelle année sera riche en film. Alors bon, il y aura sûrement des daubes, hein, comme chaque année. Oui, bien surtout sûr. Surtout là, parfois, au début d'année, il y a beaucoup de comédies françaises un peu légères. Ouais, oui, bah, tu sais, voilà. Bon, voilà. Mais bon, on les y a voit, quand... on les ignore. Oui, voilà, ça sortira après en vidéo. Et puis, oui. Et puis voilà, on n'y prêtera pas attention. Mais heureusement, il y a quand même des bons films qui démarrent bien l'année. Et là, en l'occurrence, on va vous parler d'un réalisateur que je pense tout le monde connaît, même si personne n'a vu un de ses films. De rien que de donner son nom, ça parle à tout le monde. Il s'agit donc de Pedro Almodovar, qui signe donc son dernier film avec donc Julianne Moore et Tilda Swinton, La chambre d'à côté. Pour la petite histoire, donc c'est Ingrid et Martha, amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Lorsqu'Ingrid devient romancière à succès et Martha reporter de guerre, leur chemin se sépare, mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances troublantes. Alors, Aurore, qu'en as-tu pensé? Alors, moi, déjà, là, j'ai l'affiche sous les yeux. Déjà, elle est tellement énigmatique, cette affiche. Oui, elle est très belle, je trouve. Comme le trailer, hein. Je ne sais pas si tu l'as regardé. Oui, je l'ai regardé. La musique, tout, enfin... Oui, on comprend ça pas ce qui se passe. Ça annonçait un beau film, en tout cas. Ça annonçait un très beau film, effectivement. Ne serait-ce que le trailer, la photographie était très belle. Les décors, etc., la symétrie des plans. Mais par contre, l'histoire... moi, personnellement, dans le trailer, je ne voyais pas du tout de quoi ça parlait. Oui, c'était assez énigmatique, on ne savait pas trop ce que ça allait raconter. On s'en doutait, sur certains plans, on comprenait assez vite, mais pas à ce point. C'est le premier film avec un casting américain de Pedro Almodovar. Donc, c'est 100% anglophone. Hein, ouais. C'est ça. Effectivement, donc, la photographie est très belle, les décors, les costumes aussi, très colorés, qui contrastent totalement avec le sujet. Enfin, oui, totalement, on peut le dire. Non, très intéressant. Alors, j'avoue, j'ai pas tout compris. notamment, voilà, pourquoi... oui, je pense qu'on peut, dire... Oui, je pense. Bah, sinon, ça va être compliqué, parler si on ne donne pas le cœur du film. Donc, le personnage de Tilda Swinton, en fait, est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et elle souhaite mettre fin à ses jours comme elle le souhaite. Et donc, du coup, elle demande au personnage de Julianne Moore de l'accompagner, en fait, dans ses derniers instants. Et donc voilà, sujet très très lourd et assez dans l'air du temps, parce que voilà, c'est un sujet qui revient assez souvent sur est-ce que les personnes en fin de vie ont le droit ou pas. Aux États-Unis, on voit très bien le climat, etc. Et donc du coup, elle lui annonce cette volonté de vouloir mettre fin à ses jours assez vite et qu'elle doit être témoin de ça. Et du coup, j'ai été assez surprise en fait qu'elle lui annonce, et ça apporte une tension au film tout du long. Mais du coup, un peu, je pense que le film aurait été tout autre si on ne l'aurait pas su et qu'on l'aurait découvert, ou nous, personnages, on aurait su, enfin, nous, spectateurs, pardon, on l'aurait su, mais pas son personnage à elle. Après, ça aurait été un autre film. Mais ça aurait pu être en effet un secret bien gardé. On aurait pu quand même admirer la relation amicale entre ces deux femmes, qui en soi, voilà, est très belle, je trouve, cette relation, parce qu'il y a, on sent qu'il y a des secrets de chaque c'est côté. Ça, effectivement. Et rien que ça, en effet, ça tient en haleine déjà. Et puis même elle est très surprenante, enfin effectivement le synopsis le dit bien, que ça fait très longtemps qu'elles se sont pas vues, et en fait quand elles se retrouvent on a l'impression qu'elles se sont vues hier, quoi. C'est vrai, comme si elles ne s'étaient jamais quittées. Donc voilà, on comprend que le film veut parler aussi de cette amitié forte. Voilà, tu parles de la fin de vie, en effet, c'est un sujet très, très grave et important aujourd'hui. Et voilà, c'est comment peut-être, voilà, on en parle, on évoque le sujet, auprès de qui peut-être on veut se confier. Donc bon, après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, finalement, le fait d'en parler, bon, ça lui enlève un poids, mais peut-être que ce poids, on aurait aimé, entre guillemets, en tant que spectateur, le garder peut-être tout du long, oui. Ou au moins attendre peut-être la fin pour que ça se oui, dévoile. Parce que du coup, ça en devient presque prévisible. J'avoue que oui, il y a plusieurs moments dans le film, c'est évident, et même quand on sait qu'on arrive à la fin du film avant, même sans regarder l'heure, en fait, on sait très bien qu'on arrive à la fin, et effectivement, ça en devient presque prévisible, et ça enlève le côté suspense du film, j'ai trouvé. Oui, parce que c'est vrai que le film, il est un peu tourné, entre guillemets, comme un thriller, mais voilà, oui, comme un film un peu à suspense quand même. C'est ça. Voilà, comme c'est le secret est vite désamorcé, bon, finalement, après, le film va dérouler cette relation entre ces deux femmes, donc ça va être quasiment à huis clos. Oh, voilà, oui. Dans une belle et grande maison, isolée, où voilà, elles vont continuer, voire même se redécouvrir un petit peu. C'est vrai que, bon, c'est comme tu le disais, c'est très pictural. Hein, parfois, on peut faire des arrêts sur image, hein, ça fait comme des tableaux. C'est un peu contemplatif. Oui. Y a une scène qui est très belle à un moment donné, je crois que c'est dans une chambre où on voit la neige tomber, un peu ce ciel rose, etc. Magnifique, d'ailleurs, scène qu'on retrouve dans le trailer, il me semble. Ça m'a fait penser à Wes Anderson, je sais pas pourquoi, un peu, moi aussi, je trouve. Oui, effectivement, le trailer m'a énormément fait penser à ça, un tout petit peu moins le film. Oui. On voit que dans le trailer, il a vraiment choisi les plus beaux plans et il les met à la suite. Je pense que c'est aussi pour ça que ça nous désamorce et qu'on comprend pas forcément l'histoire. Mais effectivement, ouais, j'ai beaucoup eu ce côté très coloré, alors pas pastel comme du Wes Anderson, mais très coloré, très symétrique, joué avec les tiers, etc. Ouais, effectivement. Mais assez typique de Pedro Almodovar, voilà, très coloré, et puis on ressent cette culture espagnole dans les couleurs extrêmement vives. Ouais. Mais effectivement, après, la fin avec la fille m'a énormément surprise. Alors très très difficile à gober, on va dire, mais c'est ça, c'est effectivement la relation reste tout du moins assez intéressante, mais ouais, extrême, même un peu lunatique, en fait, cette approche de elle trouve ça totalement normal et elle sait que voilà, c'est un but, c'est une fin et c'est comme ça, ce sera comme ça, et elle qui et Julianne Moore, le personnage de Julianne Moore, qui essaie quand même de la convaincre tant bien que mal, et qui finit au final par l'accepter, et qui le voit comme quelque chose d'assez normal. Oui, de toute façon, voilà, c'est l'inéluctable. Alors c'est vrai que du coup, en effet, plus le film avance, plus on perd, voilà, cette intensité, on va dire, dramatique, parce que on s'attend plus ou moins quand même à ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise. Par contre, voilà, tout vraiment réside dans les actrices, leur jeu, leurs émotions. Et pour ça, en effet, Pedro Almodovar a très bien choisi le casting. Ouais. Parce que voilà, Julianne Moore, bon, elle avait déjà démontré qu'elle savait jouer dans ce type de rôle. Et Tilda Swinton, elle est caméléon, cette femme. Oui. Donc clairement, elle correspond, je pense, totalement. Et puis, c'est vrai que... Et en plus, dans le film, il appuie ce côté blafard. Voilà, tu parlais des couleurs pâles un petit peu à la Wes Anderson. Là, c'est clairement le cas. Hein. Tilda Swinton, elle a le teint blafard. Et finalement, ce qu'on voit dans l'affiche qui est très coloré, on le retrouve, mais pas tant que ça non plus. Quoi. Le film est très froid. Oui, oui. La maison où il se retrouve est très froide, très froide, très très zen, très rectangulaire, symétrique, etc. Non, on retrouve les couleurs vraiment dans les costumes. C'est ça. Oui. C'est ça m'a assez impressionné. Ça m'a même fait rire, en fait, à des moments de voir le non-sens des costumes où il y a du violet, du vert, du rouge sur la même tous ensemble, et c'était assez impressionnant. vraiment, on a l'impression que le costumier, en fait, il a pris vêtements et puis il a dit, bah tiens, tu t'habilles comme ça, en fait. Et c'est même assez troublant, en fait, de voir se laisser aller, en fait, dans les costumes, des costumes assez larges, volants, avec plein de couleurs, etc. Alors que bah, le reste du décor, lui, est extrêmement symétrique, très froid, sombre, et voilà, tout est en bois, qui est... Mais ouais, c'était... Enfin, je pense que voilà, Pedro Almodovar, il aime bien un peu bousculer aussi, hein, ça, un peu ouais. Déranger, donc je pense qu'à sa façon, voilà, peut-être que le dérangement n'est pas dans l'histoire en elle-même, mais voilà, dans plus ce qu'il y a autour, on va dire, je pense. Après, voilà, c'est pas parce que le fond n'est pas parfait que la forme n'en est pas belle, voire aussi plus belle, encore plus belle, pardon, mais c'est pas inintéressant. Enfin, en soi, on passe pas un mauvais moment. Non. C'est peut-être pas le meilleur d'Almodovar, mais c'est quand même un film dont on se souvient, qui marque quand même un certain moment, voilà, de par peut-être des images. C'est ça, oui. En fait, oui. C'est presque un film, enfin, il y a des dialogues, bien sûr, d'ailleurs, le film est pas trop mal écrit, hein. Non. Même très bien écrit, mais ça m'aurait pas dérangé que le film soit encore plus mutique, tu vois, qu'il y ait encore moins de dialogue et qu'on contemple comme ça un peu voilà, cette relation amicale, cette sororité même, hein, ce soutien, hein, entre femmes, ça m'aurait pas dérangé. Voire même, j'aurais peut-être encore plus accentué le propos, je sais pas. Ouais, mais c'était, apparemment, c'était vraiment le message, c'est cette relation entre deux femmes. J'ai vu une interview de Julianne Moore et Tilda Swinton, et Julianne Moore disait que c'est une des premières fois au cinéma que c'est assez rare de voir des relations juste platoniques, enfin, platoniques, d'amis comme ça, simples, femme-femme, homme-femme, etc. Et effectivement, ouais, la relation, bah, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des secrets entre elles, mais à la fois, elles se disaient tout et assez ouvertes et assez franches entre l'une et l'autre. Et ouais, c'est effectivement ça... Le côté très, très amitié, etc., entre les deux femmes et le côté, le vrai cœur du sujet du film, fait contrebalance énormément. Et c'est effectivement assez... j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'un côté, elles connaissent toute leur vie, mais d'un côté, pas du tout. Et elles veulent pas tous dire, mais elles veulent aussi tout partager entre elles. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Oui, c'est ambivalence, en fait. Ouais, hein, c'est ça. Qui persiste, hein, tout le long du film, et finalement, bah, on n'a pas parlé de la jante masculine, mais elle est très peu présente dans le film, ah, voire oui, quasi bah, inexistante, bah, oui. Hormis un acteur qu'on connaît, John Turturro, oui. Voilà, qui est un peu le confident des deux femmes, hein, entre guillemets, parce qu'il oui. les a connues toutes les deux, oui. Voilà, qui apporte aussi voilà, sa vision des choses, etc. Et c'est bien parce que finalement, il est juste là quand il faut, il n'est pas trop mis en avant. Pour ouais. pas justement masquer hein, le duo d'actrices principales. Oui, tu parlais d'un huis clos, mais c'est pas seulement un huis clos pour les décors, hein, c'est aussi pour les personnages. Bien sûr. Effectivement, le casting, il y en a, y a plein d'autres personnages, parce que du coup, bah, y a des flashbacks, etc. Ouais, ouais. Mais oui, en fait, ça se concentre vraiment entre elles deux, et je pense que c'était important. Ça servait à rien de rajouter d'autres personnages, en fait. Non, c'était pas utile. Et il y a la musique aussi est assez belle dans le film. Hein. Il y a une musique qui revient d'ailleurs assez souvent, ouais. Qui était peut-être présente d'ailleurs dans le trailer, je sais plus, peut-être bien, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, il y a cette musique un peu lancinante comme ça qui revient comme pour rappeler quelque chose aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est un film qui ne manque pas d'intérêt, qui suscite des questionnements. Donc, oui, je pense que c'est une bonne chose, du coup. Oui, sinon, on n'en parlerait pas, il serait vite oublié. Bien sûr. Donc, en tout cas, je pense, voilà, on ne peut que vous encourager à découvrir ce Pedro Almodovar. Alors, que vous soyez ou pas initié à son cinéma, parce que finalement, comme c'est son premier film 100% anglophone, il n'y a pas de nécessité de connaître sa filmographie pour découvrir donc, La Chambre d'à côté de Pedro Almodovar avec Julianne Moore et Tilda Swinton. Après vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique du moment, comme à son habitude, Aurore a déniché voilà, des faits étonnants surprenant. Alors, de quoi vas-tu nous parler ? Alors, je vais vous parler de décors qui sont utilisés dans plusieurs films, clips musicaux aussi. Le premier va être le décor qui sert de bureau pour Lionel Logg dans Le discours d'un roi. Très beau film, d'ailleurs. Ah oui. Très intéressant. Et bien, son bureau a été utilisé pour le clip de Rehab de Amy Winehouse. Ah oui ? Voilà. D'accord. Alors tu mets Rehab et discours d'un roi, alors là. Effectivement. Et pour le second, c'est pour le Sherlock Holmes de 2009, donc avec Jude Law et Robert Downey Jr. Mm-hmm. La maison de Sherlock Holmes dans le film a été utilisée comme maison pour Sirius Black dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Ah, intéressant. Un peu plus ressemblant. Oui, pour le coup, oui. Là, oui, un oui. peu plus dans l'époque, un bien petit sûr. Peu plus ressemblant. Ouais, ouais. Mais ouais. Ouais, comme quoi, parfois, on n'y prête pas attention, mais voilà. Ah bah, il faut... y a des très beaux décors. Ah bah oui, donc autant les réutiliser. C'est ça. Bien sûr. Après ces faits étonnants et surprenants, voilà, ou comme quoi les décors peuvent être réutilisés à la fois dans des films et dans des clips, on se projette un petit peu dans les prochaines semaines, voir ce qui va sortir et quel film... Voilà, nous hype, ou du moins, voilà, on se dit, ah, ça m'intéresse bien d'aller le voir. Alors toi, Aurore, qu'est-ce qui t'intéresse là, dans les prochaines semaines ? Eh bien, c'est un film du studio A24, The Brutalist, évidemment, oui, A24, mais oui. Qui est en train d'un peu, enfin, qui, depuis quelques années, bouleverse Hollywood, le cinéma, la série, etc. Qui a eu plusieurs nominations pour l'instant, et qui a aussi été nommé au Golden Globes et aux Oscars notamment. C'est The Brutalist avec réalisé par Brady Corbett pardon, qui est l'histoire donc sur près de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, revenu d'un camp de concentration, il émigre avec sa femme après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain. Le film est avec Adrien Brody, qu'on connaît notamment pour The Pianist, pour lequel qu'on pourrait rattacher hein, Seconde Guerre mondiale. Il sort le 12 février en France. D'accord. Et je crois que sa durée est assez exceptionnelle. Il est 3h34. Ouais. Voilà. Donc, c'est plutôt rare quand même. Hein. Effectivement, ouais. Je ne sais pas s'il y aura un entracte parce que. Il a déjà été projeté à l'étranger et je crois qu'il y avait eu un entracte. Alors, je sais pas si en France ce sera le cas. Je sais pas. Parce que j'ai le souvenir, moi, le dernier film que j'ai vu aussi long, c'était The Killers of the Flower Moon de Scorsese. Ouais, et il durait plus de 3 heures. Hein. Ouais, il durait ouais. 3h14 ou 17 et il n'y avait pas eu d'entracte. Donc, je me dis, il n'y en aura peut-être pas non plus en France. Oppenheimer c'est non rare, plus, hein. Avatar ouais. non plus. Ouais, mais il en durait France, 3 heures, pas plus. Ouais. Hein. Ouais, ça dépassait vrai. Pas souvent. Hein. C'est ouais. comme, je pensais à Babylone, mais il durait pareil. Pas non, plus de non. 3 heures, ouais. donc on verra bien, mais en tout cas, ouais, ça a l'air hyper intéressant, ça me hype bien, et on verra si le film est à la hauteur de ses nominations. Alors moi, c'est dans un registre beaucoup plus léger, mais bon, en même temps, quand on aime, hein, on ne compte pas, puisque c'est le troisième opus, c'est Paddington, mais cette fois-ci au Pérou. Sous-titré au Pérou. Donc alors que Paddington rend visite à sa tante Lucie bien-aimée, qui réside désormais à la maison des ours retraités au Pérou. La famille Brown, non mais j'étais tout content. La famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères à travers la forêt amazonienne et jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. Alors là, Paddington, moi je suis fan, hein, c'est anglais, c'est deux petits bonbons, clairement. Tu les savoures ces petits films, c'est hyper bien fait, c'est drôle, c'est enlevé, c'est pas bête. Non, ça prend pas les spectateurs pour des imbéciles. Oui. Et il y a un super casting. Il y a de très beaux effets spéciaux. Oui. Et moi, j'en garde. Enfin, le premier, j'avais adoré. Le deuxième était aussi bien, voire meilleur. Je me souviens d'un Hugh Grant complètement fou. Oui. Il avait un super rôle là-dedans. Oui. Alors là, le troisième, j'attends de voir parce que du coup, j'ai l'impression qu'il s'éloigne un petit peu des deux premiers. Là, ils se disent, bon allez, on va sortir Paddington de l'Angleterre et on va l'amener au Pérou. Bon, peut-être. Pour le retrouver à ses racines, finalement. Hein. Oui. Pourquoi pas ? Bon, j'ai vu un petit peu la bande-annonce. Bon, j'ai senti un ton un petit peu plus... Peut-être léger. Peut-être un film encore plus enfantin que les deux ouais. premiers. Peut-être moins large public, je sais pas. On verra bien. Mais bon, en tout cas, voilà. ne boudons pas notre plaisir. Donc le Paddington sort une semaine avant The Brutalist, donc voilà, ça permettra de voir un peu de légèreté avant The Brutalist, ouais, ça... je pense va peut-être être, comme son titre l'a dit, ça l'indique, plus brutal. Donc c'est Paddington au Pérou qui sort le 5 février. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. N'oubliez pas d'aller voir La Chambre d'à côté, bien sûr, de Pedro Almodovar. Bien évidemment, on vous retrouvera pour un prochain podcast pour parler de nouveau de cinéma, parce que là, les prochaines semaines, on a regardé un petit peu, hein, ça s'annonce pas mal quand oui, même. Oui, là, oui, ça y est, ça redémarre de l'année. Ça redémarre de plus ouais. belle, et puis bon, bah là, voilà, on a Paddington au Pérou, et donc The Brutalist. Voilà, c'est ça, le 12 février, donc voilà, on a encore de quoi faire. Aurore, encore merci. Bah, merci à toi. Et puis à bientôt pour un prochain numéro.